Le maréchal Kim Jong-un a envoyé le 20 septembre une couronne mortuaire devant la dépouille de feu le héros du travail et professeur Choi Won-chang, vice-recteur de l'Académie militaire interarmes Kim Il-sung, en signe de ses profondes condoléances à son décès.